Enfin, il arriva, le jour solennel, le grand jour. Dès l'aube, tout Tarascon était sur pied, encombrant le chemin d'Avignon et les abords de la petite maison du Baobab. Toute cette foule se pressait, se bousculait, devant la porte de Tartarin, ce bon monsieur Tartarin qui s'en allait tuer des lions chez les Teurs. Pour Tarascon, l'Algérie, l'Afrique, la Grèce, la Perse, la Turquie, la Mésopotamie, tout cela forme un grand pays très vague, presque mythologique, et cela s'appelle les Teurs, les Turcs. Devant la maison du Baobab, deux grandes brouettes. Des hommes apportaient des malles, des caisses, des sacs de nuit qu'ils empilaient sur les brouettes. Tout à coup, vers 10 heures, il se fit un grand mouvement dans la foule. La porte du jardin tourna sur ses gonds violemment. « C'est lui ! C'est lui !» criait-on. C'était lui. Quand il parut sur le seuil, deux cris de stupeur partirent de la foule. « C'est un Teur ! Il a des lunettes !» Tartarin Tarascon, en effet, avait cru de son devoir, allant en Algérie, de prendre le costume algérien. Large pantalon bouffant en toile blanche, petite veste collante à boutons de métal, deux pieds de ceinture rouge autour de l'estomac, le cou nu, le front rasé, sur sa tête une gigantesque chéchia et un flot bleu d'une longueur. Avec cela, deux lourds fusils, un sur chaque épaule, un grand couteau de chasse à la ceinture, sur le ventre, une cartouchière, sur la hanche, un revolver, se balançant dans sa poche de cuir. C'est tout. Ah, pardon, j'oubliais les lunettes, une énorme paire de lunettes bleues qui venait là bien à propos pour corriger ce qu'il y avait d'un peu trop farouche dans la tournure de notre héros. « Vive Tartarin ! Vive Tartarin !» hurla le peuple. Calme et fier, quoique un peu pâle, il s'avança sur la chaussée, regarda ses brouettes et, voyant que tout était bien, prit gaillardement le chemin de la gare. Derrière lui marchait le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, le président Ladevèze, puis l'armurier Costecalde et tous les chasseurs de casquettes, puis les brouettes, puis le peuple. Devant l'embarcadère, le chef de gare l'attendait. L'express Paris-Marseille n'était pas encore arrivé et son état-major entrèrent dans les salles d'attente. Pour éviter l'encombrement derrière eux, le chef de gare fit fermer les grilles. Pendant un quart d'heure, Tartarin se promena de long en large dans les salles au milieu des chasseurs de casquettes. Il leur parlait de son voyage, de sa chasse, promettant d'envoyer des peaux. On s'inscrivait sur son carnet pour une peau comme pour une contredanse. Tranquille et doux comme Socrate, au moment de boire la ciguë, l'intrépide Tarasconnais avait un mot pour chacun, un sourire pour tout le monde. Des hommes d'équipe pleuraient dans les coins. Dehors, le peuple regardait à travers les grilles et criait « Vive Tartarin !» Enfin, la cloche sonna. Un roulement sourd, un sifflet déchirant ébranla les voûtes. « En voiture ! En voiture ! Adieu, Tartarin ! Adieu, Tartarin ! « Adieu, tous !» murmura le grand homme. Et sur les joues du brave commandant Bravida, il embrassa son cher Tarascon. Puis il se lança sur la voie et monta dans un wagon plein de Parisiennes qui pensèrent mourir de peur en voyant arriver cet homme étrange avec tant de carabines et de revolvers.